vendredi 26 mai et le petit déjeuner du samedi 27 mai. Alors, vous êtes intéressé? Vous souhaitez réserver ou bien obtenir plus d'informations? Trois numéros de téléphone sont à votre disposition. Vous pouvez appeler le 02 38 38 16 64 ou bien le 06 33 01 83 00. Enfin, le 07 81 76 59 64. Allez, libérez votre esprit et osez. Vous n'avez pas à prendre le volant, Kodia s'occupe de tout. Ouverture de la boulangerie artisanale, l'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité? La boulangerie artisanale, l'atelier Papille s'installe à Fleury-les-Aubrais. Nos boulangers passionnés vous préparent chaque matin à l'atelier Papille des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'atelier Papille, au 73 rue André Bosseau, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Contrôle Technique et à côté de la concession Peugeot. Ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45 140 Ingré, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Mais, o baile do passado 22 de abril, o baile da Revolução dos Cravos, uma organização da Rádio Arc-en-Ciel, foi um sucesso. Foi bom recordar quem libertou o nosso país. Um pouco de história, de cultura e música. C'est ça, Rádio Arc-en-Ciel. Oui, un vrai succès. Merci au Conseil d'Administration pour le choix et qualité du spectacle. Obrigada ao cantor Jorge Guerreiro pelo show. Foi sensacional. Merci au groupe Capa Negra pour l'excellente soirée. Merci à tous nos bénévoles pour le travail fourni. Merci à nos animateurs pour la diffusion. Merci au public présent, mais aussi à nos adhérents. Sans oublier nos partenaires. C'est grâce à un petit peu de chacun de nous, de vous, que tout devient possible. Merci. Obrigada. Au revoir. DGACCP, Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, Boulangerie Atelier des Papilles à Fleury-les-Aubrais, RPG International à Orléans, Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais, Assador Typico à Fleury-les-Aubrais, Hôtel Les Trois Vallées à Saran, Adopt Speciality à Olivet, Bati Casa 45 à Chingy, Aldora Construction à Fleury-les-Aubrais, Les Amis du Bâtiment à Ingré, Entreprise Olivera à Olivet, DMC Neuf et Rénovation à Orléans, CIMAC Entreprise Générale du Bâtiment à Saran, DLP Plomberie à Châteauneuf, SMP Ravalement à Fleury-les-Aubrais et Vasco Frères Charpente et Couverture, La Chapelle-Saint-Mémin. A todos, muito obrigada. A tous, un grand merci et baignage Radio Arc-en-Ciel. Creiamo un muro para ir, ci riamizza di cari, poi scendiamo simplicità, vive il mondo semana. J'ai trouvé le pays des merveilles, chérie. Allons prendre l'air. Allons, allons sous le soleil, chérie. Allons prendre un verre. Ouais, la vie c'est comme un cocktail, chérie. Sucré, amer. Buvons la vie à la bouteille, chérie. Allons prendre l'air. Du côté du Cap Vert, du côté du Cap, on a écouté la mer, a écouté la monde. Y'a des voix là-bas qui voyagent. On est au pays des merveilles, chérie, à la vie, à Césaria sous le soleil, chérie, au petit pays, aux couleurs de Brasa, Brasero, Brasil, les fados, les playas de Brazzaville. Il y a des voix ici qui voyagent, chérie, et de l'amour dans leur langage. Plus de ses valeurs. Je marche dessus, moi j'ai pas peur. Comme la fin du meilleur des mondes, un empire qui s'effondre. Je vendrai pas mon âme au diable pour voir personne à ma table. Ignorant de la fable, le démon et les flammes, je vendrai pas mon âme au diable. Je tomberai pas dans le panneau. Plus de frères, où tu brilles ou tu perds, je tournerai pas dans le panneau. Je laisserai personne sur le carreau. La guerre se prend des râteaux. Quand on rêve à plusieurs, c'est qu'on devient meilleur. Je serai personne sur le carreau. Que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que se tout se mêle. Les deux cœurs à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant. Et nous n'avons plus rien à risquer, à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore, et moi je t'aime un peu. Já esqueceram o cantar e o sorriso, já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. Estão-se a despir de toda a humanidade. Esqueceram o cantar e o sorriso, já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. Estão-se a deixar. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me dit Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, elle a une Rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, on dit voilà non. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, oh les mains, oh les mains. Sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Les mains, bas les mains, bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Oh les mains, oh les mains, oh les mains. Sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Les mains, bas les mains. Façon Aladdin. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, tes yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Elle t'a plaqué, fais les gamos, pour du coco sur la chaussée. J'suis congolais, tu vois, j'veux dire. Normatisé, maître Gims, ma convoitisé. Charlie Delta localisé, les Mbila sont focalisés. Tapé comme Chacha, Chama, dorénavant, j'fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire, un Messi. La concurrence à ma vessie. Le Bousano et Hermès. Louis Vuitton, ça que j'fais la recette. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, tes yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Je peux jouer ou vous aider. depuis que tu vis dans ses bras. Hey, il a retrouvé le sourire depuis que tu es son avenir. Tu es devenu sa joie, mais tout a changé quand j'ai compris qu'il parlait de toi. Oh. Déjà plus d'une semaine et je n'ai plus trop de tes nouvelles. N'es-tu pas content pour moi? Toi qui es mon ami, je sens que tu t'es loin de moi. Hey, à chaque fois que je suis avec elle, vos regards ne sont plus les mêmes. Je deviens parano. Toi mon ami, m'as-tu planté un couteau dans le dos? On prend des boîtes, on y range les gens qu'au fond jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille boîtes, les boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Quem é que para o baile todo deixa o bagulho doido que bota pra fuder? Até quem tá de fora brota, já quer colar com a tropa, o couro vai comer. J'y crois comme à ta peau, à tes bras. comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres, si tu m'aides à y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait, si les mots sont usés comme écrits à la craie, on fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Et même si c'est pas vrai, même si je mens, si les mots sont usés, légers comme du vent. Et même si notre histoire se termine au matin, je te promets un moment de fièvre et de douceur. Quand tu te décides à prendre cette voie, celle de tes rêves ou des remords éternels, alors cette fois c'est ton droit, c'est ton choix. Tu as décidé d'être un artiste, un choix subversif ou un choix tendance. Un mélange de confort et de prise de risque, une décision d'adulte, un rêve d'enfance. Un métier loin des modèles familiaux, est-ce une envie ou une envie de rébellion? Un métier loin des réveils matinaux, est-ce une fuite ou un vrai choix par passion? Tu as choisi la voie des marginaux, quitte à ce que l'entourage soit dérouté. La voie des atypiques, des originaux, du marchant dehors, des passages cloutés. Et si cette voie n'est pas des plus classiques, elle passe dans l'orage et sous les averses. Tu n'as pas écouté les mauvaises critiques, tu as choisi de prendre un chemin de traverse. Pour rêver nos lendemains, on a pris d'autres chemins. On a pris d'autres chemins. Choisis un métier qu'on n'apprend pas au collège. T'as ouvert la porte aux envies qui se taisent. Persuadé que ton audace te protège. T'as décidé d'écrire ta propre hypothèse. Alors tu as pris un chemin de traverse. La voie des durs, la voie des courageux. La voie du pari, pas celle de la sagesse. Mais peut-être aussi la voie des peureux. Peur de la routine, d'une route sans relief. Peur de trop d'années coincées dans les livres. Peur des horaires fixes d'un bureau ou d'un chef. Peur d'avoir peur d'exister sans vivre. Un chemin de traverse est un raccourci. Une voie parallèle, une route sans panneau. Un raccourci vers quoi? Vers tes envies, vers l'argent ou peut-être vers le chaos. Et si être artiste est un art de vivre, si tu ne réussis pas, c'est pas grave. C'est la beauté du geste qui nourrit et enivre, que tu chantes au zénith ou dans ta cave. Mais si ton art séduit et que les gens t'aiment, attention à l'ego qui te renverse. Si tu te sens enrôlé par le système, n'oublie pas que c'était juste un chemin de travers. imbécile SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, quizá de sediento. Lo mismo. Yeah. soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Tu recolles avec la douceur d'une maman. Tu tisses avec du jaune noir et du blanc. Mais quand je regarde ce monde de fou, je me dis que le cœur douanier, c'est nous. Mãe, descobri que o tempo para e o mundo não se para. Meu coração do teu, eu sei que essa coisa rara aumenta, desassossega, mas para quando o teu tempo é o meu. Mãe, canta com vaidade, porque já tenho idade para saber que em verdade em cada verso teu onde tu estás estou eu. Mãe, agarrar e cuidas de um beijo meu. Sei que em cada gesto teu está teu coração no meu. Mãe, canta com vaidade, porque já tenho idade para saber que em verdade, em cada verso teu, onde tu estás, estou eu. Se pudesse mandar no mundo parar o tempo à minha vontade, pintava teu coração com as cores da felicidade. Cada gesto teu está teu coração no meu. Qui fait bomber ses velours. Allô, Lola, comment? sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux à chacun de mes sourires. Et si cette vie n'était qu'un jeu, et si on s'est moqué de nous, pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout. Toi et moi, des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux. Regarde le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. Entre les rires et la tristesse, cette vie nous aura à l'usure. Faut profiter de sa jeunesse, sans jamais détruire son futur. On me dit de bien me tenir, que c'est une question d'équilibre. Pourquoi j'ai pas le souvenir un jour de tout seul, je me balade, mais je ne veux pas t'abandonner. Sache que si moi je suis malade, ce n'est que de t'aimer. Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je suis ce que je fuis, je subis cette cacophonie qui me scie la tête. Assommante harmonie, elle me dit tu paieras tes délits, quoi qu'il advienne. On traîne ses chaînes, ses peines. Chante pour la nuit à la sa symphonie. 96.2 FM, la radio qui nous aime. Curas, que não me deixas em paz, não me dás sossego, não me deixas capaz. Tenho a cabeça e a garganta num nó, não se desfaz e nem assim tu tens dó. Sinto-me toda cada dia pior. Já não sei de coisas que sabia de cor. As pulsações subiram quase para mim. Estou louca, completamente senil. O peito a arder, a boca seca, eu sei lá. O que te fazer, amor, para mim assim não dá. Porque parece que nem sou mais eu. Ai, coração. As horas passam e o sono não vem. Ouço as corujas e os vizinhos também. O meu juízo foi-se e por lá ficou. Diz-me lá se és meu. Hey! chercher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux. J'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, j'y vais. Comme un tout premier regard, le début de mon histoire, et dans chacun de nos pas. Chacun de nous pas. Yeah.

pas tout. Quand je souffre pour toi, je ris pour toi, je fais tout. Ouvre les yeux, combien de fois on s'est fait mal. Je n'ai jamais confondu ma femme avec mes fans. Oh, mais de quel choix tu me parles? La musique ou ton âme? Pourquoi prendre mon cœur en otage? On ne sait pas pourquoi. Tente d'allumer ma clope, voilà nos derniers mots. Toi et moi c'est la fin, yeah bébé de m'arriver, il faut changer de tempo. Clap final, allez bye bye, le film est terminé, on a perdu la bataille. Même si t'étais tout pour moi, l'unique et la seule pour qui mon cœur bat. Il fallait me couper plutôt que de se déchirer, entendre le tic-toc des aiguilles de l'horloge qui vient sonner. La fin du voyage de la route chercher, tes yeux et réaliser que tout a changé. Stop, moi je m'arrête là, refermons le bouquin, nous deux il était une fois. Envole-toi, allez vas-y, y'a pas de gilet pare-balles qui protège du verbe aimer ici. Je sais bien t'es mal aimé, j'ai pu oublier tout ce que j'avais. Même si tout doit s'arrêter, sur ce baiser salé. Je sais bien t'es mal aimé, ma vie à jamais, c'est le rouge pour se quitter, sur ce baiser salé. Un violoncelle seul, des boussoles et sonne faux. Dans la pièce abandonnée, vide, il y a des mots. Les non-sensés, des paradoxes sous le silence. S'installe un goût amer entre la mort et l'innocence. Passer la phase, tourner la page. Que le temps passe, combien de temps durera cet orage? Colère, haine et dépit réunis. Mais bon, voilà, ça sert à quoi lorsque tout est fini? Pain, pain, pain. De vivre, mon cœur s'est arrêté. Pain, pain, pain. On a tiré, on a visé, on s'est finalement touché. Je sais bien t'es mal aimé, j'ai pu oublier tout ce que j'avais. Même si tout doit s'arrêter, sur ce baiser salé. Je sais bien t'es mal aimé, on t'a ma vie à jamais. C'est le route pour se quitter, sur ce baiser salé. Ma vie à jamais, bien t'es mal aidé. Sur ce baiser salé. Ouais, ce soir on est 50. Samba, samba, samba. É uma rocânia brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira. Eita, eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Chave, como é que tá tudo bem? Eu tô bem, tu também tá bem. Todo mundo aqui tá bem. Chave, como é que tá tudo bem? Quantas pedras trago eu no sapato? Quantas vou tirar logo à tardinha? A dar-te um beijo. Lá vou na canseira deste dia. E ai, só vale a pena se acabar. A dar-te um beijo. A dar-te um beijo aninhado ao teu peito. A dar-te um beijo aninhado ao teu peito. A descansar. Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo ser verdade. Chegar a casa, fazer um jantar e tirar-te a saudade. Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse. Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre. Eu prometo. Chegar a casa, fazer um jantar e tirar-te a saudade. Dar-te um beijo aqui e aquela porta vem ficar para sempre. Crianças no banco de trás e o pôr do sol em frente. E num abraço ser família. Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida. Amor, eu estou à tua porta, vem ficar para sempre. Crianças no banco de trás e pôr do sol em frente. Ser abraço, ser família. Nós somos casa, bagunça e viagem para o resto da vida. Que o dia acabe assim. A dar-te um beijo, a minha alma, ao teu peito. A dar-te um beijo, a minha alma, ao teu peito. A descansar. A dar-te um beijo, a minha alma, ao teu peito. A Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Vou te esperar na mesma hora, no mesmo lugar. Tenho certeza você vai voltar e todo meu amor vou te entregar. Te esperar na mesma hora, no mesmo lugar. Tenho certeza que você me quer. Te dou o mundo se você quiser. Vou te esperar. Ana Malhoa, Rogerinho. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, estar contigo só mais um momento. Teria uma chance de me declarar. Não, não é nada fácil me acordar. Olha pra um lado e tu não estás. Meu coração desce até parar. Ai, se eu pudesse voltar no tempo, estar contigo só mais um momento. Teria uma chance de me declarar. Não, não é nada fácil me acordar. Olhar pro lado e você não está. Meu coração parece até parar. Vou te esperar na mesma hora, no mesmo lugar. Tenho certeza você vai voltar. E todo meu amor vou te entregar. Vou te esperar na mesma hora, no mesmo lugar. Tenho certeza que você me quer. De me declarar. Não, não é nada fácil acordar. Olhar pro lado e você não está. Meu coração parece até parar. Vou te esperar na mesma hora, no mesmo lugar. Tenho a certeza que tu vais voltar. E todo meu amor vai te entregar. Vou te esperar na mesma hora, no mesmo lugar. Certeza que você me quer. Que como se você quiser. Pararia da luna para te tener. Eu daria o mundo para voltar-te a ver. Na tua vida, nem minha mente, minha vida. Sempre está presente, papi. Mi coração tiene tanto dolor. Na tua vida, tu perde o valor. Nada tem significado por ti, nene. Meu amor. puisqu'on ne vivra jamais tous les deux. Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux. Même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Tanto mirarte que no pudo verte. Me olvidé de tus cadenas y mi propia muerte. Soñaba con beber la libertad. Solo me queda por decir que todo aquello que escribí lo hice con tinta de tus lágrimas. Si no me ves, tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Et si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire pour à longtemps de parfumer le corps. Ahora que duerme todo entre nosotros. Tú, qué loco yo, que somos al final. Ahora que somos libres cada cual. Solo me queda por decir que todo aquello que escribí lo hice con tinta de tus lágrimas. Pero

sauter. Ton corps là toi, va danser sur le collectif métissé, ça c'est le nouveau. Chaud là. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Je tue celui qui fait un pas, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous ces projecteurs et baissez vos fusils braqués. Donc je ne vais pas m'envoler sans elle. Dites au curé, dites au pasteur qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonheur et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit, à l'aube, je vous donnerai ma vie. Car que serait ma vie sans elle? Je n'étais qu'un fou, mais pas vous. Elle a fait de moi un fou d'amour. Mon ciel. Get lucky. We're up all night to the sun. and has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Tu le sens pas, tu sais que tu n'entends pas, car je suis rentré. pèse nada. Tu m'aimes mucho, bientôt je te fais le hana. Quitte pinko, je vais assumer. Rouge copico, tes lèvres m'enivent, chica. Noir pépito, je fonds quand tu bouges, chica. Fier comme Esco, baisse le regard, chica. Je suis ton capo, je vais assurer. Où le vent nous emmènera, tu seras près de moi. Je suis la moitié des noms, j'ai tellement besoin de nous. Même si je te le montre pas, la rue ne m'aura pas. Je me dois de te rassurer. Je suis pas ton ami si je peux être ton amant. Je suis focus sur toi, mais je fais croire que j'ai pas le temps pour ça, ni pour ça, ni pour ça. Je ne m'abandonnerai pas totalement de peur de ne pas avoir équivalent à ce que tu reçois. J'entends déjà le compte. Ma fierté me tue, ma fierté me tue. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal dans le fond. Ma señorita, l'amour que j'ai pour toi, tu passes loin tous les mots. J'ai pas le mais tu me sens pas, je sais que tu m'entends bien, car je suis rempli d'ego. Ma fierté va me tuer sur la durée, et la seule qui pourra tout t'enlever. Oh, ma señorita, l'amour que j'ai pour toi, tu passes loin tous les mots. Ma señorita, ma fierté va me tuer. Répondait au nom de Veila. Les gens du coup ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait tomber tous les villages. Les gens me disaient mais vite dans cette ville là. Elle répondait au nom de Veila. Les gens du coup ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait tomber tous les villages. Les gens me disaient mais vite dans cette ville là. C'était un phénomène. Elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change plus qu'un délicat un gentleman. Une beauté sans pareil. Tout le monde veut s'en emparer sans savoir qu'elle est. À dormir son préféré sans savoir qu'elle aimait la bâton. Quand je la vois, quand c'est le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Pour moi que ça est moins que rien. Juste une pierre sur son chemin. Elle répondait au nom de Veila. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait tomber tous les villages. Les gens me disaient mais tu dans cette île-là. Elle répondait au nom de Veila. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait tomber tous les villages. Les gens me disaient mais tu dans cette île-là. Oui c'est un phénomène qui est monté normal. Cette femme était nommée belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalouse aimait. Les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile. Synonyme de magnifique, elle se fait qu'elle est d'ici. Qui venait vite indécis, tendre comme des feuilles. Quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Pour moi que ça est moins que rien. Juste une pierre sur son chemin. Elle répondait au nom de Veila. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait tomber tous les villages. Les gens me disaient mais vivant cette ville là. Elle répondait au nom de Veila. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher. Elle faisait tomber tous les villages. Les gens me disaient mais vivant cette ville là. Allez fais-moi tourner la tête. Hey, hey, tourner la tête. Hey, hey, rends-moi bête comme Yep. Hey, hey, bête comme Yep. Hey, hey, je suis l'homme de Toriens. Hey, hey, l'homme de Toriens. Hey, hey, fais-moi tourner la tête. Hey, hey, tourner la tête. Allez fais-moi tourner la tête. Hey, hey, tourner la tête.

a fool, but they all think I'm blind. I'd rather be a fool than leave myself behind. I don't have to explain myself to you. I'm a grown woman and I do what I want to do. I know that it's wrong, but I want to have fun. Que es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio. pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Quand il se terre, quand il se cache pour pleurer, quand il a peur, quand il a mal à en crever. C'est quoi un homme quand il est lui qu'il ne ment pas? C'est quoi un homme? C'est fort une femme quand on nous blesse et nous accable, on ne se plaint pas. Quand on nous laisse, que tout le monde part, on reste là. Avec les restes, on reconstruit, on est comme ça. C'est ça une femme. C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? On fait semblant, on joue le jeu qu'on nous apprend. Si t'es un homme, si t'es une femme. C'est quoi une femme? Quand on l'empêche, quand on aimerait qu'elle ne dise rien. Quand on la laisse, quand on l'enferme dans un coin. C'est quoi une femme quand elle a peur de tes mains? C'est quoi une femme? C'est pour un homme qui n'a plus peur quand il faut protéger les siens. Devant sa mère, même le plus fort ne dit plus rien. C'est pour un homme qui ne trompe pas, qui se contient. C'est pour un homme. C'est quoi un homme? C'est quoi une femme? On fait semblant, on joue le jeu qu'on nous apprend. Si t'es un homme, si t'es une femme. On nous demande d'être l'épaule, d'être les bras, de rester là et de sourire devant les gens quand rien ne va. On se demande bien trop de choses qu'on ne sait pas. On se demande si on pardonne la différence et toutes les remises en question. Si l'on oublie les idéaux, les illusions. Si on pardonne les faux pas, les déceptions. C'est quoi un homme quand il se terre, quand il se cache pour pleurer, quand il a peur, quand il a mal à en crever. Devant sa mère, même le plus fort ne dit plus rien. C'est quoi un homme? Uma vez mais, o baile do passado 22 de Abril, o baile da Revolução dos Cravos, uma organização da Rádio Arc-en-Ciel, foi um sucesso. Foi bom recordar quem libertou o nosso país. Um pouco de história, de cultura e música. C'est ça, Rádio Arc-en-Ciel. Oui, un vrai succès. Merci au Conseil d'Administration pour le choix et qualité du spectacle. Obrigada ao cantor Jorge Guerreiro pelo show. Foi sensacional. Merci au groupe Capa Negra pour l'excellente soirée. Merci à tous nos bénévoles pour le travail fourni. Merci à nos animateurs pour la diffusion. Merci au public présent, mais aussi à nos adhérents. Sans oublier nos partenaires. C'est grâce à un petit peu de chacun de nous, de vous, que tout devient possible. Merci. Obrigada. Ah. DGACCP, Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, Boulangerie Atelier des Papilles à Fleury-les-Aubrais, RPG International à Orléans, Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais, Assador Típico à Fleury-les-Aubrais, Hôtel Les Trois Vallées à Saran,